Francisco. À la BMX party. Micro dans la poche, intérieur gauche, photo, média, les vamos. C'est pour mes socios, mes blaugrana. C'est purple money, faites pas les malins. L'album arrive phénoménal. Trop en avant, j'me barre au Ghana. Oui, bientôt j'me barre au Ghana. Ici y'a trop de piranha. Tout le monde veut mettre sa banane. Moi j'ai la recette qui plaît aux fans. J'monte sur scène, tu montes sur la table. Tu connaissais pas, maintenant tu pètes un cap. Tu veux une photo, tu m'envoies ton snap. Tu vois qu'on est cool et respectable. Get stupid, stupid. Showcase à Jamal Fna en Bermuda sur une calèche. C'est purple money, faites pas les malins. C'est 609, faites pas les malins. C'est Bondi Nord, faites pas les malins. Cette fois-ci y'a pas de câlin. Y'a trop d'imitations mais peu d'égal. Oui c'est moi qui vous régale. Ce soir c'est moi qui vous régale. J'fais que du lourd et que du sale. J'suis posé au calme dans l'arrière-salle. Avec Francisco et quelques femmes. Get stupid. Neknasi Style Music présente DJ Hmida, Mustapha Bourboune, avec la participation de Zeri de Sonhaji et Baby Music.